le pôle d'experts local qui devrait lui également pour une première fois participer à des projets d'envergure comme cela, ce qui laisse quand même croire que avant, pendant et même après la réalisation de ces projets, on aura une main-d'œuvre locale qui soit capable véritablement de pouvoir faire pérenniser en tout cas ces projets. Ce sont des projets qui vont transformer profondément le Centrafrique. Je pense que le ministre a même parlé du Dubaï en Afrique centrale. C'est vraiment à saluer. Nous sommes contents de pouvoir être arrivés à ce niveau où, n'est-ce pas, un pôle, que ce soit économique ou politique, suffisamment puissant, décide de pouvoir travailler avec l'Afrique de manière à ce qu'il y ait un partage, que ce soit du gagnant-gagnant. C'est toujours ce que nous avons réclamé, même quand il s'agit du G7 ou des pays de l'OCDE. Mais comme le professeur Bengue l'a dit, ils ont passé beaucoup d'années à nous prouver qu'on ne peut pas compter sur eux. Alors, nous parlons quand même d'un pays, le Centrafrique, qui a décidé, n'est-ce pas, le tout premier pays qui a décidé en Afrique de légaliser la monnaie digitale, la toute première monnaie digitale décentralisée, le Bitcoin, et qui a créé d'ailleurs une deuxième monnaie nationale qui est le Sangcoin. Et nous parlons des financements. Les BRICS viennent avec des outils tels que la nouvelle banque de développement. Tout à l'heure, le ministre a précisé que ce sera une banque indienne qui va être, n'est-ce pas, l'institution bancaire qui va représenter dans les BRICS en RCA. Mais nous restons là toujours dans la finance centralisée. Je peux donc comprendre que, par exemple, le professeur Ndengue soit un peu gêné parce que le Bitcoin, il reconnaît que oui, c'est bien pour les institutions, etc. En fait, il relève le fait que ce n'est pas contrôlable. Mais c'est créé effectivement parce que ça ne doit pas être contrôlable. C'était pour contourner le système bancaire classique qui lui est centralisé. Et c'est d'ailleurs pour ça que les crypto-monnaies de banque centrale sont juste des formes numériques de monnaie fiduciaire. Parce qu'il faut bien que la banque centrale ait le contrôle de tout ce qui se fait. Mais il est important de dire que le Bitcoin, qui n'est pas seulement une monnaie, est un système de paiement. Et un système de paiement qui a créé tout un écosystème cryptographique aujourd'hui, qui, comme je le disais tout à l'heure, compte aujourd'hui plus de 25 000 monnaies cryptées. Et cet environnement qui a été créé grâce au Bitcoin ne peut pas être ignoré par le système bancaire et financier centralisé. C'est très important parce que nous sommes de toutes les façons sur le même marché en termes de transactions. Et lorsque vous avez un secteur de la finance décentralisée qui n'est pas contrôlé par les États, d'accord, mais qui devrait l'être, il est important que les États se penchent là-dessus. De manière plus concrète, aujourd'hui, avec la dédollarisation, il y a des États qui ont une partie de leurs réserves en Bitcoin. Parce que le Bitcoin, d'après plusieurs analystes et chercheurs, et j'en fais partie, est qualifié de l'or numérique. L'or numérique. C'est pour ça que certains États ont une partie de leurs réserves aujourd'hui en Bitcoin, y compris les États comme la Chine, comme la Russie, et évidemment une partie de ces réserves en yuan, par exemple, quand il s'agit de la Chine, ou bien en dollars, parce que la dédollarisation ne va pas faire en sorte que tout de suite, toutes les réserves qui étaient en dollars soient converties en d'autres devises. Donc, à partir de ce moment-là, même si l'État n'adopte pas le Bitcoin comme étant une monnaie légale, mais il faut relever, hein, quand on dit monnaie légale, ça veut dire que l'État a décidé d'officialiser la monnaie. C'est ce que ça veut dire. Ça signifie techniquement que la monnaie à cours légal, c'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser pour payer et tout le monde doit l'accepter. C'est ça le cours légal. Et ça, c'est l'État qui décide qu'une monnaie à cours légal. Et il y a la deuxième caractéristique qui est donc le pouvoir libératoire de la monnaie en question. C'est-à-dire qu'on peut pouvoir payer ses dettes avec cette monnaie. Et donc, les caractéristiques techniques qui sont la réserve de valeur, l'unité de compte et l'unité d'échange sont des caractéristiques qui sont moins importantes aux yeux d'un État quand il faut décider, n'est-ce pas, de l'utilisation d'une monnaie. Pour le cas du Centrafrique, pour sortir, bien sûr, dans ces projets, quand vous voyez par exemple le projet qui constitue l'infrastructure satellitaire et de télécommunication pour identifier toutes les ressources minières, naturelles, etc., et savoir, regorge tout. Quand vous prenez le projet 2, le projet même qui concerne l'exploitation et le raffinage de l'or, mais il faut des montants suffisamment importants pour que le Centrafrique n'ait pas seulement pour seul partenaire les BRICS en termes monétaires. J'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de ces questions et oublier qu'il y a un nouvel ordre monétaire mondial qui se met en place. Et cet ordre monétaire mondial-là est bousculé, évidemment, par la place que se feraient les monnaies digitales. Et donc, au niveau du Centrafrique, c'est à travers donc, la conversion, et ça s'appelle la financiarisation des ressources, qu'on peut véritablement lever des fonds importants. Entre temps, il y a un pays de la CEMAP dont j'étais le nom, qui est en train de lever 40 milliards de dollars grâce à la tokenisation. Je dis bien 40 milliards de dollars, je n'ai pas dit de francs CFA. C'est l'un des états de la CEMAP au moment où je vous parle. Vous pensez que si ce n'était pas la magie de la blockchain et cette capacité à pouvoir convertir un bien réel en ce qu'on appelle les tokens, on ne peut pas lever des fonds de cette envergure, même quand c'est une banque des BRICS. Donc, c'est une question que les États africains doivent prendre très au sérieux. On peut légaliser le Bitcoin ou pas, ce n'est pas le plus important, mais il faut savoir que le marché des crypto-monnaies est conditionné par l'existence du Bitcoin. On ne peut pas parler des monnaies digitales sans le Bitcoin. Et je sors donc définitivement pour dire qu'il y a deux risques qu'il faut relever. Le premier risque pour les États, c'est par exemple qu'ils ferment les yeux sur l'impact d'une monnaie comme le Bitcoin, alors que c'est la monnaie avec laquelle on fait le plus grand volume de transactions au monde. Je vous rappelle qu'au Nigeria, le fait que les Nigérians fasse partie des gens qui utilisaient plus le Bitcoin à accélérer la décision de la Banque centrale du Nigeria à créer le e-Naira. Parce que si vous changez le Naira fiduciaire en Bitcoin, évidemment, le Naira va chuter, la valeur du Naira va chuter. Et c'est ce qui s'était passé pratiquement pendant un mois. Ils ont accéléré le processus afin qu'évidemment, ils rentrent dans cet écosystème qui est numérique, même si le e-Naira est une monnaie centralisée, ce qui est tout à fait normal. Le deuxième risque, et je sors par là définitivement, c'est un risque de désintermédiation pour les banques. Les banques qui ne vont pas se pencher véritablement sur la question de ces monnaies digitales-là et qui ne vont pas revoir leur système de fonctionnement de fond en comble risquent de perdre véritablement leur place d'intermédiaire. Et perdre leur place d'intermédiaire signifie que une clientèle suffisamment importante va s'orienter vers la finance décentralisée, c'est-à-dire, n'est-ce pas, vers cet écosystème que les banques ne pourront pas contrôler. Et ce serait dommage. Merci à vous, docteur Jean-René Douma. Afrique Média, le monde, c'est nous.